Je t'ai expliqué à la maison, calme-toi déjà, Edune, qu'il fallait pulser en avance. Et ça, tu ne le fais pas actuellement encore. J'aimerais retenir. Je t'ai dit, prends une pulse à la maison. Je te l'ai bien fait sentir en plus. J'aimerais retenir tous ces rêves de cristal. Sauf que la pulse, tu ne l'as pas. Prends-la. Et une fois que tu l'auras prise, après, tu verras, ça coulera tout seul. J'aimerais retenir tous ces rêves de cristal. Voilà. Tous ces rêves d'enfant mélomane. Allez, t'es en retard déjà. Voyager avec facilité. Ta ta ta ta ta ta. Voyager sans difficulté. Sur les cordes, un peu raide de l'oubli. Voici. Tcha tcha tcha tcha. Sur les notes un peu fausses de la vie. Et oui, c'est ça la pulse, hein. Je rêvais d'une vie d'harmonie. Bah, ben déjà, il y a une autre gueule. Sous un ciel fardé de mystère. Ta, ta, ta, ta. Où l'amour envelopperait la terre. Où l'amour envelopperait la terre. Sortant d'un reste d'Apollinaire, l'enfant tout seul assis par terre. Voilà, c'est juste, c'est maintenant. Jouant sur un champ de guerre. Wow, wow. Stop. Malgré très juste. Cette colère, allez, pulse, transporté dans un rêve imaginaire. Je refais le monde à ma manière. Tu refais le monde à ma manière. Supprimant toute cette misère, je remplis les cœurs de lumière. Tu traînes. Fatigué, eh, mais oui, mais je. De lumière. Bien sûr, c'est pas dans la purée qu'on fait. Sortant d'un reste d'Apollinaire. L'enfant tout seul assis par terre. Jouant sur un champ de guerre. T'affole pas de ça, ça y sera génial. Voilà, et eh ben c'est bien. Voilà, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, The Space Outlaw. Pareil pour le désertion des droits humanitaires, il faut que ça soit très poussé. Désertion des droits humanitaires. Abstraction du mot égalité. Allez, continue. Condition terrible d'une vie journalière. Émotion violente d'une image planétaire. 2, 3, 4 et 1. Sortant d'un rêve d'Apollinaire. Allez, voilà. 2, 3 et 4 et 1 et 1. L'enfant tout seul assis par terre. Et en plus, allez, I1. Jouant sur un champ de guerre. Champ de guerre. Oh, oh. Champ de guerre. Ok, t'es en forme.